écrire, c'est gentil, non. Notre ami Olivier a un problème. Il n'ose pas brouter la chatte à sa meuf. Que doit-il faire? C'est peut-être elle qui devrait se la laver plutôt. Il y a le vice-président Xavier qui, lui, n'ose pas payer une pipe à son cousin. Donnez-lui quelques conseils. Il doit sûrement écouter. Merci pour eux. Le président du SER vous ordonne de rester le mardi. Sinon, le petit Benoît et Gédéon seront exécutés en public et le trou de David et Zaza seront bouchés. Définitivement. Voilà. Définitivement. Grand crime, n'est-ce pas? Le SER vous dit merci. Et c'est signé le président. Une seule réflexion, si on n'a plus de cul, comment on fera un boursier? Ben, on te fera un drain. Ah bon? Ou on te donnera... Poche. Tu chieras par la bouche, comme t'as l'habitude de faire. Mais qu'est-ce que tu crois, là? Qu'est-ce que toi, tu suis sous les bras, par contre, parce que dis donc... Elle a un simple anesthésié, hein. Pour t'enlever ton amygdale, il n'y aura pas de problème. Ça colle, hop là, anesthésié. Ah ben, dis donc... T'as... mignonne. T'as pas regardé ton cul chatte, hein. Ah ben... dis donc... Cet été, dis donc, ça suintait, hein. On suivait à la trace, hein, et les slips, il fallait changer 3 fois par jour, hein. Elle mettait des petits protège-slips et tout, mais alors, dis donc, ça traversait, hein. Le général Caca, dis donc, il envoyait des coups de canon. Le général Caca t'envoyait des coups de canon, dis donc, ça transperçait le jean. Je t'ai dit, ma Zaza, il faut mettre des 501, c'est plus solide. Ne mets pas des C-17. Ah, alors, On a les auditeurs en ligne qui veulent pleurer. Alors, priorité aux mères de famille, donnez-moi un dans ma main. Attendez, je vous laisse 2 petites secondes là parce que quand même qu'on tire une bonne taffe. Hein. Ouais. À tout de suite. En cœur. Là, c'est les ballets de Reda en ce moment. Ah bon, d'accord. Allô, allô, nous avons un auditeur en ligne. Allô. Allô. Salut, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, c'est une horreur pour nous, chérie, de vous quitter. Bon, c'est pas nous encore. Voilà. Si, c'est vous, c'est vous. C'est bon, c'est vous. On est là, oui. On t'écoute. Allô. Allô. Oui. Bonsoir, c'est Étienne et Combe. Et Combe. Ouais. Oui. Combe, Combe de shit. Non, Combe, C-O-M-E. Ah, oui, c'est un Combe. Voilà. Ah, Sarcombe. Sarcombe de Capesie. Sarcombe, voilà. Oui. Bon. C'est notre fête aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, on est hyper triste parce que l'émission s'arrête. Ah, nous aussi. Ah. On a d'abord essayé de se suicider en se mettant de la cire dans les narines. Oui. Ça n'a pas marché. Alors, on ne sait pas comment faire, et puis on a aussi un grand fantasme, on est moins enculé, une grosse pomme de terre. Ah, et Combe, c'est un raclot ou une raclée? Une raclette. Une raclette, ah, ouais, hein. C'est partout les trous. Non, partout, ouais. Ouais. Et alors donc, une petite pomme de terre. Non, une grande pomme de terre. Une grosse pomme de terre, ouais, ouais. Style Catherine. Un peu plus gros encore. Une petite pomme de terre en robe des champs, ma petite Catherine. Il y en a un qui veut t'enculer. Ou alors un aspirateur plutôt. Ah, et vous nous écoutez, vous nous avez écouté toutes les semaines jusqu'à présent? Ah ouais, tout le temps, tout le temps. C'est vrai? Ah ouais, sûr. C'est pour ça qu'on est hyper triste. Ah, et ça vous fait beaucoup de peine. Ah mais c'est dingue. Oh oui. C'est de la folie. Hein. Eh bien peut-être que dans quelques mois on pourra reprendre si vous nous envoyez un peu d'argent. Ah ouais, bah pas de problème, on va signer un chèque de 3-4 briques. Puis... Voilà, vous nous envoyez des petits chèques, même de 50, 100 francs. Non, non, mais... On prendra les petits chèques. Il n'y a pas de problème. Ok, puis, 3 chèques. Hein. Pour les membres... alors, il y a membre de soutien. Oui, membre d'honneur, alors c'est combien? C'est 5 000. 5 000. Il y en a qui ont déjà signé? Oui, énormément. Alors, j'ai reçu un sac de courrier. J'ai reçu un sac de chèques, je n'ai pas eu encore le temps d'ouvrir. Je suis vraiment désemparé et touché par cette dernière émission. Alors, mon petit chat, est-ce que tu avais autre chose d'intéressant à nous raconter? Écoute, ma poule, je sais pas, si... Non, j'ai mon copain, la Combe, qui a le super fantasme. Mais c'est quoi comme nom, Combe? Combe, mais oui, c'est très beau. Combe, mais, je sais pas. Mais... L'italien, non? C'est un Combe. À mon avis, c'est plutôt un nom de Combe, surtout. Oui, peut-être, oui. Surtout, ouais, c'est vrai. Bon, ouais. Ouais, il aimerait bien se taper une vieille de 90 berges. Ah, ça, moi, j'ai eu un copain qui avait fait ce test-là, Et il disait, oui, tiens, je vais me taper une vieille et je vais la faire casquer. Bien, il aimerait bien une éthiopienne pour entendre craquer le squelette, surtout. Bah oui, quand elle dort dans un sac de couchage, qui ouais, sert de... C'est ça, c'est cool. Un petit sac de couchage. Tu sais, ils ont envoyé des préservatifs. En Éthiopie. En Éthiopie. Et il dit, mais on se sert jamais de sac de couchage, il fait trop chaud. Ouais. Ça doit être marrant, là. Et, tu sais... Attends, je rigole, attends. C'est génial. Voilà. Alors, j'ai eu un copain... J'ai eu un copain qui a eu ce problème, qui était très excité ouais. par les vieilles et tout. Et puis un jour, il en rencontre une à la coupole, il va la baiser et tout. Et le problème, c'est que c'est quand même assez difficile à pénétrer. Et il a eu beaucoup, beaucoup de mal à la pénétrer. Il n'y arrivait pas. Et à un moment, la vieille a dit, bon, bah attends, je vais aller voir. Et puis elle va un tour dans la salle de bain pendant 5-10 minutes, elle revient. Et le mec, il arrive, il... commence à essayer de la baiser, et puis la bite rentre, là, cette fois-ci. Okay, ouais. Et puis il dit, oh là là, mon amour, je nage dans le plaisir. Non, et l'autre, la vieille, elle dit, mais non, mon chéri, j'ai enlevé la croûte, tu nages dans le pus. Oh là là, vous dégoûtez de la mort. Tu as une bonne blague, là ouais. Oui, vas-y. Mais vraiment hyper bonne. Alors, c'est un papa qui, avec son petit, qui lui dit... Le petit lui dit, papa, j'ai envie de faire caca. Non, oui, ça, on la connaît, ça fait 100 fois et on la raconte toutes les semaines. Ah non, tu vois. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Ah bon. Non, bah peut-être. Alors, vas-y, finis alors. Non, bah vas-y, je te laisse faire. Alors, non, papa, j'ai envie de faire caca. Non, écoute, pas maintenant. Si, papa, je te jure, j'ai vraiment envie de faire caca. Écoute, non, pas maintenant. Papa, je te jure, j'ai vraiment envie de faire caca. Bon, d'accord, merci. Oui, c'est toutes les semaines qu'on la raconte. Oh, ouais, on la connaît. Bon, désolé, tu m'en veux pas trop. Non, tire pas sur les ambulances. Non, mais c'est cool. Ouais. Bon, allez, on vous laisse, les enfants. Peux-vous passer mon copain comme vous... Non, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'appels. Juste un petit mot à vous dire. Et vite, et on passe que des appels intéressants. On n'a pas joué long. Hein. Allô. Ouais. Oui, bonjour. Ça va, mon petit chat? Alors, j'ai la pêche, tout ça avec toi. Tu es homosexuel? Pas tout à fait, non. Ah, pourtant la voix, du coup. Bon, c'est vrai, ouais. Bon, t'as mieux comme ça? Ou tu travailles à la Foire du Trône, non? Ouais, à peu près, ouais. Ah, voilà. Le siège. La voix est déjà mieux. Ouais, non, mais ça dépend des moments quand même. Oui. Alors, tu es comme, et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu habites où, comme? J'habite à Neuilly, pourquoi? À Neuilly, hein, oui. T'as le beau quartier. Non, j'habite sous le pont. Papa, haute finance, oui. Maman, directrice d'un cours privé. Non. Mais alors, qu'est-ce que tu voulais, comme? Pardon? Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Mais ce que je veux dire, sans déconner, c'est... Tu as avec Étienne, là, je peux vous l'avoir entendu pendant une heure, je vais raconter que des conneries, c'est imbécile. Oui. En fait, on était pensé là il y a 3 ans, on a découvert notre émission de merde. Oui. On perdait notre temps, et on perdait notre temps en plaisir après. Vous comprenez ce que je veux dire? On a suivi votre émission comme des bœufs tout le temps. On s'est fait tous les soirs, c'est génial. Et maintenant, vous partez. C'est ça, je m'amuse, je m'intéresse. Est-ce que vous avez quand même fait la différence entre de mauvaises émissions et de bonnes émissions? Ouais. Ou toutes les émissions... La semaine dernière, c'était complètement nul. Ouais. Alors on s'est dit qu'on allait essayer de relever le niveau un petit peu quand même pour la dernière fois. C'est mal parti. C'est mal parti. C'est très très mal parti. Mais bon, on vous excuse comme c'est le premier appel. Et puis le seul d'ailleurs. Et puis le seul parce qu'on va aller se coucher. Oh, et puis là, je dorme très bien, mais c'est nous aussi. Hein. J'ai envie de chier là, je te dis pas. Et puis en plus, c'est de la sodomie. Attends, mais je sais pas si j'ai envie de péter ou si j'ai envie de chier. Le premier et ça, le problème, non, mais à chaque fois, ça me fait le coup. Alors, je crois péter et je t'envoie une décharge de fioul. Alors, ça me fait chier parce que pendant l'émission, il va falloir que j'aille me changer parce que le public va être complètement assiégé par l'odeur. Non, c'est vrai. Tu fais caca, Catherine? Oui. Les filles font caca? Oui. On fait caca. Les filles font caca tous les jours? Oui. Mais des grosses crottes? Oui. Des petites, des grosses. Tu as déjà fait des grosses crottes vraiment qui te faisaient mal à sortir? Oui. Et alors tu torches après avec du papier et tu vois le papier... Par l'arrière. Et il y a des fois la crotte... J'ai suivi tes conseils. Est-ce que des fois la crotte est molle et tu as le cul un peu merdeux? Et qu'il te faut une centaine de feuilles de papier pour tout nettoyer. Une liasse. Non, Catherine, s'il te plaît. Non, mais attends. Une liasse au cul, chérie, c'est affreux. 4 ministres dans le salon. Il y a des hommes. Et il y a des femmes qui n'oseront jamais parler du caca. Tu fais caca tous les jours. Toutes les femmes, Mylène Farmer chie tous les jours. Avant de faire son concert à Bercy, elle va chier. Une grosse daube, elle va se torcher le cul, elle va s'en foutre plein les doigts. Et puis ses doigts vont sentir la merde. Eh bien, mais il faut dire tout ça. Il faut dire qu'une femme est constituée comme un homme. Il n'y a aucune raison. Presque. Hein? Presque. Parce que les femmes disent, oh mais attendez, je reviens, je vais faire pipi, tu parles, qu'elles vont débourrer. Et elles débourrent. Non, pas la reine d'Angleterre quand même. La reine d'Angleterre chie dans son sac à main. Ah, c'est son sac à main. Pourquoi la reine d'Angleterre a un sac à main? Eh ben, elle sait où elle habite, elle a toujours quelqu'un avec elle, non? Elle a pas de clé. Elle a pas de clé, c'est ouvert, Buckingham. Bon. Bon, qu'est-ce qu'elle tape? Une carte d'identité, elle en a pas besoin. Mon entier la connaît. Bon. Du maquillage, elle a une maquilleuse. Ah bah derrière elle. Bon, des préservatifs, elle a une chatte en plastique. Oui, avec une couronne dessus. Bon, et bien le sac à main lui sert à chier. Et c'est un sac à main à bretelles qu'elle enfile avec une serrure et en marchant, en disant bonjour à droite, à gauche, elle fait tomber les étrons dans le sac à main parce qu'elle n'a pas de culotte. C'est des étrons royaux quand même. Ah, sublime. Ah, je veux dire, vous avez vu les paillettes, Ben voilà, regardez-la. Ah, oui. On dirait c'est un agent Sigma. On dirait un enfant. Non, c'est Sinestar. C'est Sinestar qui nous a envoyé ça. L'étron de la reine. Point de vue, coin de rue, image immonde. Ouais. Un album comme ça de merde de gens célèbres. Les enfants, que ce soit authentique, il faudrait qu'il y ait comme... Les enfants, vous êtes en ligne là. Ouais. On vous laisse parce qu'on va continuer l'émission tout seul, ça vaut mieux. Oui. On vous embrasse très fort. Et on vous remercie énormément de votre appel. Et de toute façon, rassurez-vous. Je te fais une grosse bise sur les croûtes. On reviendra dans quelques temps. J'embrasse tendrement tes croûtes. Et surtout, si tu pètes, tu restes bien ouvert. D'accord. Hein? Et tu appelles tes petits camarades. Je te conseille de te congeler le pus, ça se conserve mieux. Le pus? Ouais. Mets-le au frigo, tu verras, le goût est nettement meilleur. Moi, je fais je parsème bien mes slips, et puis après, je décolle. Ouais. C'est sublime, ça fait des petites peaux de renard. Ouais, tu peux les fumer après, c'est hyper bon. Non, on ne gâche pas. Et de toute façon, je ne prends aucune drogue douce, comme je vous l'ai déjà dit. Oui. Alors, je te jure, c'est sublime. Ça fait comme une petite peau de serpent, une mue de serpent. Ah, mais c'est génial. Bon, en sac à main, c'est super. Allez, au revoir, les enfants, on vous laisse. À bientôt. Bye. Hein, vous êtes formidables. Merci. À bientôt. Très touchant. Des appels bouleversants. Vigédéo, il est pas là. Hein. J'en ai pleuré, mais t'inquiète pas, il va te baiser. Il va appeler. Mais oui. Et pourquoi il t'a pas baisé? T'es défaite, ma pauvre Catherine. Catherine, elle est pas fraîche. Non, c'est vrai. Tu te le ferais, Gédéon? Oui. C'est vrai? Oui. Mais je sais pas s'il a pas bipé. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Du moment qu'il a pas bip centimètre. Bah oui. Ouais. La dernière fois, comment ça? Tu t'es fait machiner? Cet après-midi? Non. Comment il était? Un turc? Non. Non? Alors quoi? Hein? Un petit peu? Un français. Un français, bah c'est la première fois. Tu l'as rencontré où? Tu l'as rencontré où, chérie? Je l'ai rencontré où, à Montparnasse. Mm-hmm. Dans la rue, comme ça? Dans la rue. Pif paf, le coup est fait. Voilà. Oh, bah dis donc, tu me dégoûtes. Ah bah c'est décourant. Bonjour. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est Benoît. Oh. La température au sol est de 14 degrés, mais non. C'était Dombi les appels avant, non? Ah ouais, c'était faible. C'était faible, hein? Alors, ouais. Est-ce que tu vas relancer ça, toi? Tu vas peut-être relancer ça. Alors, dis-moi, tu sens de passer plus à l'émission, parce qu'on avait quand même appris que tu avais 6 ans. Quoi? Attends, là, monte le son un peu, là. On avait appris que tu avais 6 ans, mais c'est toi qui dois monter le son, idiote. Je fais que ça. Vas-y, monte, toi. Mais non, mais on peut pas monter. Ah, j'entends que là, dans l'appareil. On est au... Ah, tu nous appelles d'une cabine. Non, je suis moi, t'inquiète pas. Tu as quitté le domicile familial. Tu vas poursuivre une créature. Une fugue. J'ai fugué. Encore une. Bon, quel âge as-tu en réalité? J'ai bipant. Ah ouais. Encore un. Et alors, tes parents savent que tu écoutes l'émission? Non. Est-ce que ça leur ferait beaucoup de peine que tu écoutes deux cinglés immondes comme nous? Non, ça m'étonnerait. Ouais. Ils seraient en colère, non? Bon, non, puisque aussi, ils sont complètement débiles, alors c'est pas grave. Hein. Ah bon? Mais tu n'es pas un enfant martyr. Non. Non, il te tape pas, ni rien. Non. Bon, alors, tu nous avais dit, lorsque tu nous avais appelé la première fois, que tu étais déjà sorti avec des filles. Ouais. Bon. Et est-ce que c'est la vérité ou pas? Ouais, c'est vrai. Bon, parce qu'il y a des petits mecs qui ont 13, 14, 15 ans, qui nous appellent, qui nous écrivent et qui nous disent, mais de quelle façon on peut draguer, de quelle façon on pourrait rencontrer un copain ou une copine, tiens, comme la fille là tout à l'heure qui nous a écrit, qui nous dit j'arrive pas à rencontrer de... Alors qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Faut être très sympa avec les meufs d'abord. Ouais. Faut avoir de l'humour. Ouais. Et faut pas parler de cul tout de suite. Ah. Parce que ça coupe tout. Ah. N'est-ce pas? Ah. Professeur. Il a tout compris. Il a tout compris. À quel âge tu nous as écouté la première fois? Bah, ça fait 2 ans, j'avais... Bip moins 2, quoi. Bip moins 2. Oh, bah, elle avait 4 ans. Ouais. Est-ce que tu as des copains à l'école qui écoutent? Quoi? Est-ce que tu as des copains et des copines à l'école qui écoutent? Ah ouais, ils sont tous là-dessus, hein. Non. Ah ouais, il y en a... Sur 1000, il y en a 200 facilement. Plus ceux qui écoutent en hypocrite. Ah, et est-ce qu'il y en a qui écoutent et qui disent « Ah non, c'est dégueulasse et tout... » Ouais, il y en a qui disent « Ah, c'est qu'il y a bande de porcs là-dedans et puis je suis sûr qu'ils se tapent une colonne après. » Ah, quelle langue. C'est rien que des vieux vicelards. Ils se tapent un bon racine. Bien sûr. Mais alors dis-moi, est-ce que t'as le droit de sortir? Moi, ouais. Le soir aussi? Ouais. Non, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à... 9h. 11h. 11h le soir. Ouais. Ça suffit. Et t'as le droit d'inviter des copines chez toi? Ça c'est déjà autre chose, hein. Ah. Tu vois... Est-ce que ton père te donne quelques cours de sexualité, te dit de quelle façon draguer une fille? Bah ouais, mais je dis ouais, c'est bien papa, et puis tu sais, j'en ai rien à foutre moi. Ouais, mais est-ce qu'il te dit... qu'est-ce qu'il te dit lorsqu'il te donne les conseils? Qu'est-ce qu'il te donne comme conseil? Bah... c'est un peu nul, hein, ces conseils, hein. C'est un peu comme c'est la coiffure. C'est le truc gamin, hein. Enfin, je sais pas, moi. Quel âge il a, ton repère? Bah, il a 30 ans, par là. Oh, elle a quoi? Elle a 2 ans, ouais. 35 ans, je crois, par là. Ah, voilà, 35. Et, ouais. et lui, est-ce que c'est un dragueur, hein? Ah ouais, lui, je crois que des fois que Moumoun, qu'elle se fait bien mettre dans le vent, quand même, hein. Non. Ouais. Est-ce que tu entends des fois tes parents baiser? Non. Ouais. Oui. Oh, il y a... les grincements du lit. Quelquefois, il y a des nuits bien chaudes. Hein. Bon, est-ce que tu sais, par exemple, que lorsqu'il se lève à 1h ou 2h du matin et que tu as la salle de bain qui s'ouvre, tu sais qu'il y a eu... la douche. Et tu sais qu'il y a eu giclage. Ah ouais, là, quand même, hein. Ouais. Ouais, et puis il y a quand même une petite odeur qui traîne après, hein. Ah bon. Ouais. Est-ce que tu as déjà essayé d'écouter au mur ou je sais pas, d'écouter... Non, moi, ce que je fais, je prends un verre et je colle mon oreille. Ça, c'est super pour écouter. Ah, tiens, donne-nous le... Et voilà. Alors, tu mets un verre comment? Et tout, hein. Tu mets le verre comment? Bah, je le colle contre le mur et je colle mon oreille contre le cul du verre. Ah donc, tu mets la face ouverte contre le mur. Ouais, hein, et ça c'est génial. Et le cul du verre dans ton oreille. Ouais. Mais alors là, tu écoutes... Si tu croirais. Non, t'as l'impression d'être dans le chat et de prendre les coups de bite. Ouais. Carrément. Puis il y a les cris en plus. Mais elle crie vraiment? Ah ouais, mais c'est quand même assez modéré pour... Ah oui, pour pas réveiller la chambre. Il atténue de toute façon, il lui fout sa serviette hygiénique dans la bouche. Pour qu'elle écrase un peu. Bah non, et puis il y a des fois qu'elle a la bouche pleine, alors elle peut pas gueuler trop fort. Hein. Pourquoi, il y en a plusieurs? Bah non, mais une seule, ça suffit, hein, si elle est grosse. Elle peut pas crier, tu sais que c'est interdit de parler de la bouche pleine quand elle a une bite dans la bouche. Elle dit dis-moi, alors, ton père, je voudrais savoir les conseils qu'il te donne. Je voudrais savoir ce que peut donner... moi, tu sais, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, je sais pas comment je suis arrivé. Bah t'es une erreur à deux jambes, hein. Je suis arrivé comme ça et j'ai jamais eu de conseils. Les seuls conseils qu'on m'a donné, c'est le docteur Ruth. Parler. Que je peux me tirer les meufs direct, alors. Il me dit, ouais, tu leur mets une main au cul et tout, et puis c'est joué. Ah, mais c'est plus comme ça maintenant. Hein. Ah ouais, bah là... Oh. Ça, c'était avant. Hein. Ah. Maintenant, c'est comment? Oh, bah, faut faire ça tout en finesse, maintenant. Tout en finesse? Cet après-midi, ça s'est passé comment, Catherine? Tout en finesse. Quoi? Tout en finesse. Tout en finesse. Attends, demande à Catherine comment ça s'est passé. Tout en finesse. Est-ce que tu pourrais baiser une meuf de 30-35 ans? Moi? Ouais. Si tu te retrouvais devant, est-ce que tu arriverais à assurer? Bah, si par exemple on te dit, tiens, viens, un après-midi, on va te la faire croquer et tout, elle est nebo, on te laisse tout seul avec, hein? Ah ouais. Mmh. Et là, tu vois une grosse pétasse blonde, décolorée, racine 3 cm. Si la meuf s'est bien conservée, ça va? Non, bien, un beau corps et tout. Ouais. Mais tu pourrais lui bectaresse le minou et tout. Il chave bien la nuit. Direct, hein. Tu pourrais lui lécher la chatte? Peut-être pas directement. Hein. Ah. On va faire une petite entrée en matière d'abord. Ah, voilà. Ah. Alors, qu'est-ce que tu pourrais lui faire comme entrée en matière? Ah bah, c'est elle, celle qui fait le boulot d'abord. Hein. Et puis après, connaît, c'est moi qui vois comment je me sens, quoi. Ah, c'est elle qui doit commencer le vaitrail. Ah ouais, puis si ça me plaît, j'y vais après. Alors, épongearès d'abord du jar, ah ouais, derrière les fagots. Là, c'est essentiel. Là. Et tu risques pas d'envoyer la répu? Oh, si c'est très bien fait, ouais, ça risque de partir assez vite. Hein. Eh oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Quand tu te branles, ouais. En combien de temps t'envoies les petits? Ça dépend si je suis concentré ou non. Bon. Est-ce que tu entends des fois les petits crier aussi, quand tu les jettes sur ton ventre? Qui ça? Les petits bébés. Parce que les petits bébés pleurent quand tu les envoies. Et t'en envoies des centaines de milliers d'un coup et tu les entends pleurer. Hein. Bah ouais, je sais. Et puis c'est gâché tout ça. Bah dis donc. Tu te rends compte de cette belle marchandise? Ah ouais. Toute fraîche et tout. Tu te rends compte que tu pourrais être papa? Ah ouais, ouais, ça c'est une première main en plus. À 8 ans. C'est pas du vieux, hein. C'est du chouette, hein. Ouais, du tout neuf. Bon, et ça te fait de la peine qu'on s'arrête, là? Ah ouais, ça fait la peine, ouais. Mais on t'a quand même bien fait ton éducation. Ouais, ouais. Hein? Voilà, c'est bon, hein. Tu peux donner des cours, là. Tu passes plus pour une endive devant tes camarades. Ah voilà, ça y est, maintenant, j'ai plus besoin de beaux gars, hein. Là, t'as pris 2 ans d'avance, hein. Ouais. Ah ouais, non, mais là, ça va être d'enfer. Tu vas voir, quand tu vas te retrouver devant une chatte... Tu vas te dire, putain, je sais, comme ça, il va falloir lui travailler sa com, le huc, la petite feuille de rose, bah oui, l'échave de la mine, bouillave, pougnave, les couilles, les seins. Et tu sais que les seins, oui, mes couilles, c'est un sbrouille. T'es sensible des seins, Catherine? Beaucoup. Le bout, ah, voilà, juste le bout. Ah, voilà. C'est drôle, hein? Pourquoi? Non, mais il y a beaucoup de gens comme ça dans ton camp. Toi aussi? Mais je sais pas, moi, tu sais bien que je suis pas sexuel. Je suis un observateur. Hein. Mais si on fait pas les insectes, si elle a pas la taille bout de leur peau, alors, peut pas y avoir de vaitra. Que dalle. La journée est fermée. Ah ouais, bon, ça, on rembourse. Hein. Bon, alors moi, j'ai appelé pour vous raconter les trucs crates qu'on fait dans mon collège. Ah, voilà. Oh, très bien. J'accepte. Hein. C'est croustillant. D'accord. T'es à bonne école, apparemment. Bon, alors, il y a premièrement à la cantine. Ouais. Il y a une petite histoire avec les bouts de pain. Bon, alors... la cantine, des fois, ils nous donnent des vaches qui rient. Ouais, alors, il y a les mecs qui passent avec leur plateau, ils prennent 5-6 bouts de pain pour leur fromage. Ouais. Alors, et moi, quand il y a quelqu'un que j'aime pas, je me mets devant. Bon, et puis il y a tous les bouts de pain sur le plateau. Et je lui dis, bon, va chercher l'eau, il n'y a plus d'eau dans le bro. Et puis après, je prends ces bouts de pain, je me les fous dans le slip, et après, je les repose sur son plateau. Et je suis trop éclatée. Le pire, c'est quand il tartine ses trucs et qu'il bouffe tout. Bah, je suis éclatée. Avec 4 potes, c'est mortel. Ah bah moi, quand j'étais... C'est radical, je suis comme ça. Ah ouais, bah, c'est d'enfer. Ah, puis, oh. Je dis, c'est bon. Il me dit, ouais, mais le fromage, il pue un peu, je trouve. Un jour, je fais sentir, c'est pas le fromage qui pue. Mais tu pourrais mettre... Il y a un truc, moi, quand j'avais ton âge, il y a 2 ans, ouais. Et j'étais encore à la maternelle, eh bien, je mettais mes crottes de nez sur les bouts de pain de mes copains, je leur donnais un bonbon à manger, je mettais une grosse crotte de nez, et c'est tout ça que je pouvais pas voir. Ou par exemple, quand il y en avait des beaucoup plus faibles que moi, je mettais 2 doigts dans mon cul, et j'allais vers eux, et je leur collais les 2 doigts sous le nez, et ils me disaient, ah, ça pue et tout. C'est à l'époque où tu faisais des spaghettis partout. Voilà, et je leur foutais, et puis ben, j'ai une copine, un jour je lui ai appris, et sa plus belle farce qu'elle fait, c'est sa chatte, comme elle a une chatte vraiment qui sent mauvais, elle met les 2 doigts dans sa chatte, et elle va voir... Elle va voir des tapettes, elle va pas voir des hétéros, parce que les hétéros, ça pourrait exister. Elle va voir des tapettes, et elle leur fout carrément la mousse du chat. Parce que c'est pas simplement des odeurs, c'est du gras, là. Oh là là, c'est effroyable, gélatineux. Et carrément, elle lui colle ça sur nez, t'as l'impression que c'est du doux, moussidouche. Comment s'appellent les petits pousse-pousse? Ouais. Une dose de pousse-mousse, et elle te balance ça sous le nez, et je te dis pas que l'autre, c'est comme si tu faisais... Oh là là, et qu'est-ce que j'ai la nuit sur mon tablette. Vous attendez un peu, je vais changer ma cassette de face. Ah bah vas-y, oui, il faut l'enregistrer la dernière. Hein. Allez, je vais. Bah la changer toi aussi. Bon, on vous laisse changer votre cassette de face, hein, allez-y tous. Bon, et puis, si vous nous écoutez, si vous êtes chez vous, si vous êtes dans votre voiture, eh bien, si vous êtes dans la voiture, eh bien, vous allez faire un grand signe. Levez la main à droite, à gauche, et vous la bougez comme ça. La rirette, la rirette, on écoute l'une de fiel, la Attendez. Rirette. Et vous bougez votre main pour bien montrer à votre voisin, de droite ou de gauche, sur l'autoroute, surtout faites bien attention, regardez devant, qu'il écoute aussi l'une de fiel et que c'est un bel enculé. Si vous êtes, si vous êtes à la maison, allumez la lumière, éteignez la lumière. Allumez la lumière, éteignez la lumière et regardez par la fenêtre en même temps. Et vous allez voir quand même qu'à Aulnay 3000, Garches-lès-Gonesse et dans les grandes cités, on nous écoute pas mal. Oui, qu'est-ce que tu veux, Benoît? Benoît? Ça y est, le père l'a tué. Le père l'a tué. Ça y est. Ah. Oh bah dis donc ma poupée. Ah, parce que ma radio qui délirait complètement. Et, ah bon, et ton père et ta mère ils sont où là? Bah ils sont au lit là. Chérie, ils sont au bout de l'appartement, c'est très très loin. Un quart d'heure pour faire le tour et encore en vélo chérie. Ah, et alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard Benoît? Je sais pas. Comme métier, tu sais pas? Poubelle, des trucs comme ça quoi. Buralais, buralier, poubellier. Alors, oui. Alors, oui, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Bon, il y a des mecs qui sont bien crades à propos de crottes de nez. Il y en a dans ma classe, ils bouffent ses crottes de nez sans arrêt. Oh bah, David aussi. Il hein. me dégoûte. Bah ouais, nous aussi. Alors, en cours. Il y a que la reine d'Angleterre qui... Il est comme ça, il fout ses doigts dans son nez et hop, il bouffe. Bah David, il est foyé en Ah, il est trop crade, ce mec. Ah, c'est pourtant divin. On dirait les escargots. C'est divin. Je vais dire, au grand café capucine. Les escargots, c'est des huîtres. Je vais te dire, j'ai été très inquiet parce que pendant 2 mois, mon nez ne fabriquait plus du tout de crottes de nez. Ah, merde. Il paraît que quand on prend de la cocaïne, après, il y a une grade d'adobe. On m'a dit ça, hein. Bah, moi, j'ai reçu beaucoup de courriers là-dessus. Ça, j'ai reçu un dossier complet du ministre. De gens qui se droguaient. Porté par cyclistes. Mais c'est pas des... C'est même pas des crottes de nez, c'est des sacs à main, presque. Ah. Et moi, je vais te dire, Benoît, mon petit ange, c'est même pas des crottes de nez, chérie, c'est des guirlandes. Ah. Non, c'est sublime. Des chandelles. C'est des... voilà, vous avez plusieurs noms hein, pour les crottes de nez. Ah oui, il y a les tableaux qui se décrochent. Vous avez décroché les tableaux, vous avez guirlandes, vous avez lumets, vous avez vignots. Vous avez, il y a escargot, mais ça tout le monde le connaît. Tire-bouchon, ça comme... Un bulot. Un bulot. Un sale bulot tout dégoulinant. Et comment s'appellent les petits? C'est les bigorneaux. Les bigorneaux. Ouais, les bigorneaux. Et les gros, c'est les tricorneaux. Et est-ce que t'as déjà fait des farces comme ça? Foutre un bigorneau dans ton nez et puis éternuer devant quelqu'un? Ah ouais. Et faire tomber le bigorneau sur la table avec un peu de sang que tu auras pris à l'abreuvoir. Oh. Sur une tranche de foie. Seulement fumé. Et moi, Noël, quand il y a des huîtres, moi je déteste les. Il avait fait ça à Nouvelle Frontière. Et je crache dans toutes les coquilles. Ah et voilà. Tout le monde qui bouffe ça après. Ah oui, il faut faire, Benoît, il faut faire des plans comme ça, beaucoup plus encore. Ouais. Tu devrais même leur faire respirer ton cul et tout péter dans le... J'ai même fait le coup des bocals. Et tu as fait le bocal, c'est sublime c'est ça, marrant, non ouais. Ça c'est divin. On va leur expliquer quand même pour la dernière le coup du bocal. Si vous voulez faire un joli cadeau pour Noël à des amis, par exemple, un joli cadeau de Noël, eh bien vous prenez un bocal vide, bien sec, et surtout avec un bon couvercle qui ferme bien. Et si vous avez bien envie de péter, au moment où vous avez envie de péter, prenez le bocal, ouvrez-le et collez-le très très très serré contre votre trou du cul. Et vous pétez. Ah ouais. Le pet va carrément se réfugier au fond du bocal, il va avoir très très peur qu'on le peigne en bleu. Et vous retirez le pet, vous mettez votre main dessus. Vite, vous mettez le couvercle et vous refermez. Vous mettez ça 3-4 jours sur un radiateur. Ah ouais, ça chauffe, il y a des gaz qui... Voilà, ça là, chauffe. Je te dis pas que le paix à l'intérieur, c'est quoi, tu le mets en culture. C'est pas un paix... Du gaz naturel. C'est un méga paix, style bombe atomique. Ah ouais. À Hiroshima, s'ils avaient eu ça, les enfants, j'aurais pas eu de jambes cassées, brûlées et tout. C'est directement à l'enfer qui partait. Tchernobyl. C'est Tchernobyl, chérie. Tchernobyl. C'est une horreur. Et un jour, vous dites, bah tiens, je suis revenu de Provence, maintenant, ils mettent carrément de la lavande et tout ça, en comprimé, en air comprimé, et tu peux sentir, et tu dis, ça permet... Des essences rares, ouais. Voilà, c'est des essences rares, tu peux sentir, et tu dis, mais dès que tu ouvres le pot, tu le mets bien sous ton nez et tu respires. Mmh. Et je te dis pas que celui qui respire ou celle qui respire... Ah, ça te débouche une ermite, hein. Putain, tu fais ça à ta professeure et tout, et tu te tires en courant. Ah ben, tu ne pourras pas avoir un conseil de discipline parce qu'elle ira faire le proviseur en disant « Oui, il m'a fait respirer un pot !» Le proviseur, il va dire « Bah oui, alors, c'est une démarche tout à fait délicate !» Mais est-ce qu'elle va dire, elle, « Oui, c'était un pot plein de merde !» Mais comment, un instant, quelqu'un puisse penser qu'on puisse péter dans un pot d'haricots verts? Ouais, c'est... Mais il n'y a qu'un cinglé comme moi ou comme Zaza qui puisse faire ça. Ouais. Et puis 2 400 000 maintenant qui vont le faire. Mais ça, c'est sublime. Mode, hein. C'est une très belle farce. Alors, Benoît, on va te laisser alors. Ouais, vous pouvez faire un petit cadeau sympa pour la dernière. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je vous passe le générique en entier. On l'a, le générique en entier? Ah, c'est Alina. Enfin, vous en passez un bon morceau bien gras quand même. Hein. Ouais, on va trouver le document. Pas en tranche, hein, non, je le veux entier, moi. D'accord, non, on va le passer bien gras, bien gras. Okay. Bon, ben on te dit adieu. Ouais, adieu. Ça nous fait beaucoup de peine de